mois de septembre. Alors, j'ai d'autres questions ici, Daniel? Oui, ben on va finir la première question. Tout à l'heure, on a répondu seulement en trois premières lignes. Puis il est écrit recto verso. Y a-t-il une différence entre cette intelligence et celle qui attend pour plonger l'humanité dans les événements prédits dans l'Apocalypse? Bon, on va juste faire un petit détour rapide sur l'Apocalypse et les prophéties. Ce serait bon, à un moment donné, que les individus commencent à comprendre que les prophéties, que c'est juste des blagues, que c'est juste des farces, puis qu'il n'y a rien de ce qui est prophétisé qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est l'homme n'en a aucune idée, et puis ce qui va se passer prochainement, ben, c'est pas en tout ce qu'on s'attend, puis ça n'a aucun rapport avec ce qu'on pense qui peut se passer. Alors, ce qui fait que, disons que c'est l'homme lui-même qui va déterminer son passage, puis dans quoi qu'il va passer, mais il ne faudrait pas tellement qu'on se fie aux prophéties de quelque genre de prophète que ce soit. Je le dis de temps en temps que les prophètes, de façon n'importe quel genre de prophétie, c'est des visions dans l'astral de choses qui sont déjà arrivées, mais qu'on pense qu'ils vont arriver. Apocalypse, c'est un mot tiré de la Bible, qui veut dire révélation de choses présentes ou passées. Alors, ce qui fait que l'Apocalypse de Saint-Jean parlait de phénomènes qui se passaient présentement dans l'époque où les autres vivaient, et des phénomènes qui se sont passés sur l'Atlantide, et puis l'homme pense que ça va lui tomber sur la tête. Le contexte social, militaire, économique et tout ça de la planète nous amène à penser que ça peut être vrai, mais ça fait combien de fois que l'humanité, enfin que des groupements montent sur les plus hautes montagnes, se réfugient dans certaines places parce que la fin du monde est pour dans deux jours, puis ils redescendent tout le temps à rien. Ça fait bien des fois que la fin du monde est attendue. Très souvent, ils descendent en pleurant, ceux-là. Oui, parce que l'ego fait qu'ils n'ont pas eu raison. C'est sûr que ça gênait un peu. Mais ce qu'il faut penser, c'est que premièrement, l'Apocalypse, on oublie ça. Les intelligences qui vont plonger l'humanité, enfin, c'est-à-dire qui vont forcer l'humanité à passer par certains cadres pour forcer l'humanité à comprendre, bien, c'est les mêmes intelligences qui ont un contrôle sur la planète, dans le sens d'intelligence, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si cette intelligence attend que ceux qui doivent être prêts le soient, n'a-t-elle pas une intelligence supraplanétaire, autre que l'astral? Bien, évidemment, l'intelligence qui dirige tout ça est une intelligence qui, premièrement, est reliée à la planète par le phénomène de fusion incomplète. Donc, elle est reliée au schéma évolutionnaire ou évolutif de la planète. Et elle est aidée par une forme d'énergie, l'énergie supramentale, qui est extraplanétaire. Je fais ça vite parce que si on passe une heure par question, il y a 15 papiers. Pourquoi une intelligence issue d'un autre système solaire aurait-elle eu le privilège du droit d'aîné sur cette planète avant les hommes de notre évolution? Bon, premièrement, il faut bien comprendre que les hommes de notre évolution sont des formes d'énergie qui s'expriment sur la planète Terre et qu'ils viennent eux-mêmes d'un autre endroit, disons, d'une autre planète. Alors, ce qui fait que l'intelligence qui a amené l'essence même de l'expressivité humaine sur la planète Terre, c'est elle qui présentement dirige aussi. Alors, c'est donc normal, si on parle du droit d'aîné ou le droit de diriger la planète avant l'homme, l'homme, tout ce qu'il peut diriger comme planète, c'est des problèmes. Alors, ce qui fait qu'il y a une énergie, disons, un peu plus supérieure à l'homme qui vient diriger ça ici. L'humanité même sur la planète, quand elle est apparue ici, c'était simplement une forme d'expérience, donc une forme d'évolution, parce que sur la planète Terre, l'homme est là à titre d'expérience. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'évolution. L'humanité au complet, il faut bien comprendre que la galaxie et que les galaxies environnantes sont dans un phénomène d'emprise par le temps et ils doivent tous évoluer. Et ces phénomènes-là, autant supérieurs soient-ils, tant qu'ils sont dans notre continuum, c'est-à-dire dans l'espace-temps, relié au temps et à l'espace, ne sont pas dans une évolution achevée, donc parfaite. Ces entités-là, ces formes d'énergie-là, ont donc instauré dans l'univers des moyens, donc ils font une forme d'étude, on peut dire, ce qu'on appelle l'expérience et l'évolution. Ils ont donc essayé de former des moyens permettant aux formes d'énergie les moins vibratoires de pouvoir amplifier leurs vibrations de la manière la plus rapide possible. Ce qui fait que ces formes d'entités presque divines, donc au niveau du plan divin, toujours reliées à la planète Terre, ça n'a aucun rapport avec le Père de Jésus à la fin de son temps, ces entités-là vont donc tenter des formes d'expérience sur différents, dans différents contextes, comme par exemple une planète, comme par exemple une planète Terre. Alors, ce qui fait que nous autres, on est donc présentement, disons, on est des phénomènes d'expérience, et si l'expérience s'avère à être correcte, bien, l'expérience va se répéter sur d'autres planètes, et si c'est le meilleur moyen d'évolution, bien, il va y avoir plusieurs planètes qui vont pouvoir accueillir une forme d'être, qui vont lentement, au cours de milliers d'années, millions d'années, évoluer comme la race humaine l'a fait. Mais maintenant, c'est déjà prouvé que l'expérience planétaire a été un fiasco. Alors, ce qui fait que... Pourquoi? Parce que pour permettre cette expérience-là, on devait développer une forme d'énergie attractive qui garderait sur la planète Terre les énergies qu'on y enverrait pour leur évolution. Et cette forme d'énergie attractive-là est évidemment la mémoire, donc l'ego. Et tout ce qui est similaire à la forme mémorielle reliée à la planète reste donc à la planète. Et c'est donc à partir de ce phénomène égoïque-là qu'il y a eu une identification planétaire, mais qui s'est faite de deux façons. Donc, il y a eu deux identifications au niveau de l'astralité planétaire. Et ça a créé des conflits dans les origines, disons, de l'instauration du contexte astral dans une espèce d'entité vivante, disons l'homme, un peu avant la venue, disons, d'Adam, donc d'un autre apport d'énergie extraterrestre. Et ça a créé certains conflits qui ont permis à la race humaine de voir le jour, mais d'une façon non prévue, c'est-à-dire non prévue par les énergies supérieures. La race humaine a vu le jour créée par une entité égoïque, par une entité rebelle, donc par une entité satanique. Alors, ce qui fait que, présentement, ben, notre race, notre planète Terre, est donc entre les mains d'une entité, donc de forme d'énergie extérieure, extraplanétaire, et c'est normal, c'est eux autres qui ont amené l'expérience humaine sur la Terre. Puis quand je dis expérience, c'est toujours dans le but, il faut bien comprendre, de trouver un moyen pour que la galaxie, pour que le super univers lui-même finisse par, disons, on appelle ça fusionner les sept planètes de l'univers, le vital, la matière, le vital, l'astral, le mental, le supramental, le bouddhique et le divin, pour pouvoir se libérer du temps. Daniel, tu as mentionné que l'expérience planétaire de l'être à date était un fiasco. Mais les grands initiés, tels que Jésus, et puis... Le grand initié, tel que Jésus, les autres, disons, subalternes, Saint-Germain, Moïse, Salomon, toute la gang d'alchimistes, ainsi de suite, pourquoi qu'ils n'ont pas expliqué simplement à l'être? On dit tous que l'être n'est pas prêt à comprendre. Mais moi, je pense que si ça avait été... expliquer clairement, si ça avait été fait dans un but d'être expliqué clairement, l'être aurait évolué bien plus rapidement. Aujourd'hui, on explique des choses clairement. Il y a quelques individus, très peu à Montréal, qui expliquent des choses clairement. L'être d'aujourd'hui, c'est correct, on dit que le mental, ainsi de suite, ça prenait le mental pour le capter. Mais je pense que si ça avait été fait il y a 20 ans, les êtres l'auraient compris, puis le taux vibratoire se serait ajusté. Si ça a été fait pour ces bonhommes-là... Il y a 2000 ans, on a tenté l'expérience. Fiasco total. On a crucifié le bonhomme. Ouais, l'expérience a été tentée souvent, sauf que ce que ça a donné comme effet et comme résultat, c'est que l'homme, s'identifiant à lui, s'identifiait automatiquement à l'autre et le déifiait, décidait qu'il était la représentation matérielle des divinités, de Dieu ou des dieux, le plaçait sur un piédestal, et bien souvent, ces maîtres-là ou ces maîtres potentiels, donc ces individus-là, en voie de devenir maîtres sur eux-mêmes, ben, se laissaient embarquer par l'ego du piédestal et devenaient des gourous, des divinités et des patati patata. Alors, ce qui fait que toutes les fois qu'on essaie d'expliquer clairement, ben, la personne qui explique clairement se voit déifié, se voit personnalisé d'une autre manière, se voit donc contrainte à agir ou à réagir sous l'emprise de l'astral, de tous les individus qui lui sautent sous le dos, et qui veulent le manier pour que cet individu-là puisse supporter leur bagage de souffrance, leur bagage égoïque, leur bagage astral. Alors, c'est donc pourquoi qu'on a essayé souvent d'expliquer clairement, puis même aujourd'hui, quand on explique clairement, bien, c'est toujours clairement mal compris. OK. Mais c'est... Je pense que c'est moins clairement, moins compris, mal compris aujourd'hui que c'était avant. Les temps sont venus. Bon, alors, les temps, si les temps sont venus, il fallait que la planète Terre connaisse ce fiasco. Ben oui. C'est-à-dire que ce qui était prévu à l'origine dans l'évolution de la planète Terre, ce qui était prévu à l'origine, c'est qu'en quelques milliers d'années, la planète Terre au complet disparaîtrait. Et puis que tout le système solaire serait réintégré. C'est un phénomène qui était prévu. Mais dans le début même de l'instauration de ce projet sur la planète Terre, il y a eu des conflits égoïques parce qu'on a bâti un ego. L'ego n'a pas été contrôlé d'une façon parfaite, donc l'ego s'est scindé en deux. On a eu deux identifications. Donc automatiquement, on a assisté à la naissance d'un monde duel, le monde de la dualité planétaire. Et on a eu automatiquement une forme d'entité qu'on peut appeler luciférienne et une forme d'entité qu'on peut appeler, disons, Yavik. OK, c'est pas tout à fait Yavik, c'est même un peu différent. Mais c'est du côté positif. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de là, au lieu de prendre un certain laps de temps, l'identification de l'ego s'est faite d'une façon tellement forte qu'il n'y a pas eu possibilité d'avoir une personnalisation de cet ego-là. Et on n'a pas pu pouvoir donner en même temps que l'astralité planétaire la forme mentale à la planète. Donc, automatiquement, l'individu s'est cru être lui-même, lui-même. La Terre était le centre de l'univers. Et puis, bien avant ça, c'était la tribu qui était le centre de tout. Puis, il fallait absolument que la tribu domine l'autre. Puis, bref, d'évolution en évolution, d'année en année, de millions d'années en millions d'années, ça n'a rien donné. Alors, ce qui fait qu'au lieu de prendre quelques années, on est rendu que ça fait quelques millions d'années. Puis, on est encore loin de comprendre. Le mental, on commence à l'avoir. Pour la ce qui devait, à l'origine, être donné à la planète Terre, c'était un physique, un vital, un astral et un mental. Ça, c'était donné. La Terre a accepté le physique, elle a accepté le vital, l'astral, il y a eu le conflit là, on n'a jamais pu avoir de mental. Présentement, on arrive à avoir un mental qui n'est pas encore identifié chez la totalité de l'espèce humaine, qui n'est pas personnalisé chez la totalité ou presque la totalité des espèces nord-américaines ou américaines, mais européennes. Et quand il va être personnalisé, là, on va en être rendu à l'étape où on aurait dû partir. Alors, ce qui fait que c'est un fiasco total en ce sens-là. Étant donné que l'univers est relié au temps, mais que c'est infini le temps, l'univers n'est pas pressé. On se fout que la Terre ait perdu du temps. Mais ce n'est pas un moyen adéquat. Alors, ce qui fait qu'il y a d'autres genres d'expériences qui se passent ailleurs, dans d'autres plans, où il n'y a pas nécessairement de planète Terre, hein, où il n'y a pas nécessairement de phénomène dans le genre. L'univers qu'on voit, il y a d'autres univers autour qui ne sont pas bâtis de la même manière que l'autre. Okay. Lorsque tu dis qu'au point où on en arrive, disons soit la sixième race ou l'ère du Verseau, là, où les gens vont être en contact avec le supplémentaire, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire, que qu'au début, c'est à ce niveau-là qu'on aurait dû partir. Il y a des initiés qui prétendent qu'on est parti à ce niveau-là, qu'on était téléguidé avec l'énergie supplémentaire. Et puis, d'ailleurs, c'est de là que vient l'histoire du paradis terrestre, qu'au paradis terrestre, à ce moment-là, il y a eu, ça s'est brisé, le contact s'est brisé, ainsi de suite. Mais pourquoi c'est arrivé, ça? Ce que je te dis, c'est que le mental, l'homme, ce qui ne te donnait pas à l'homme, à la planète Terre, pour son évolution, c'était les quatre plans planétaires. C'est d'ailleurs pourquoi que c'est les seuls plans que sur la Terre. Hein? Le reste, c'est extraplanétaire. Ce qui est arrivé simplement, c'est qu'on a instauré le physique. On a instauré le vital, la vie. On a instauré l'émotivité. Après ça, on a commencé à instaurer la parcelle mentale, mais l'émotivité, elle, s'est scindée en deux. Il y a eu, de toute façon, tu n'as qu'à relire la Genèse de la Bible, disons, à partir de ce que je dis là, puis je pense que ça va être drôlement plus clair, le phénomène de ces plans-là, quand ils ont été amenés sur la planète Terre. C'est pas fait en 5 jours, là, évidemment, là, mais disons que... Mais ce qui est arrivé, c'est justement ça, c'est que juste quand la parcelle mentale a commencé à être instituée, les parcelles égoïques avaient eu le temps, OK, de grossir et de s'amplifier. C'est un phénomène typiquement planétaire. Donc, on s'est identifié en ayant une parcelle mentale. L'ego s'est identifié à la divinité suprême. Donc, il s'est identifié au maître. Donc, il s'est identifié au manipulateur. Donc, il a voulu tout gérer et tout organiser. Et à partir de ce moment-là, quand il a eu la possibilité de raisonner des choses, donc de comprendre des choses, cette possibilité-là, il l'a eu prématurément. L'ego n'avait pas fini de se parfaire, parce que l'ego, pour pouvoir accepter une forme mentale, doit se personnaliser, ce qui n'est pas encore tout à fait achevé chez l'homme présentement. On a souvent une identification personnelle, mais une personnalité nationale ou une personnalité de groupe selon l'âge aussi. Selon les jeunes ont une personnalité de groupe, bon. Mais il y a une identification propre. Vu que ça, c'était pas complété, certains individus, par l'apport d'une forme égoïque mentale, donc il y avait un ego et un mental, ce qu'on appelle d'ailleurs le Lucifer, une forme d'énergie a amené un mental prématurément à une forme d'énergie qu'on appelle l'homme, qui n'était pas encore suffisamment complétée dans sa phase de développement au niveau de l'astral pour pouvoir réussir à ne pas manipuler, donc pouvoir réussir à comprendre, en étant personnalisé, l'utilité d'une forme mentale. Ce qui fait que les individus égoïques, non prêts, recevant le mental, ont pu s'emparer de cette énergie mentale-là pour l'assujettir à leur propre désir, donc à l'ego. Donc, depuis ce temps-là, on a un ego qui contrôle une forme mentale, et le mental n'a jamais pu se développer parce qu'il ne servait qu'à l'ego, et l'ego ne s'en servait que pour se développer lui-même. Donc, l'ego planétaire ou l'ego individuel a gonflé. Et cet ego-là a dû être, à un moment donné, disons, gonflé encore plus par des énergies intelligentes pour permettre, en ayant une immense mémoire, donc une immense expérience, c'était maintenant la seule solution, donner de l'expérience à l'homme, alors il y en a vu de toutes les couleurs, pour pouvoir réussir à aider son mental à continuer à se créer, parce que les énergies intelligentes ne pouvaient plus, à partir de ce moment-là, amener l'énergie mentale à l'homme. Pourquoi? Parce que du moment qu'une forme de connaissance arrivait à l'homme, l'ego s'en emparait, tripait dessus, puis l'ego se croyait automatiquement être le donneur, au lieu de se voir étant le receveur. Et à partir de ce moment-là, automatiquement, les énergies supérieures ne peuvent plus avoir de contact avec l'être humain parce que l'être humain n'est qu'égoïque, l'être humain s'empare automatiquement d'une forme. L'égocentricité humaine a même pris un corps matériel pour en faire une forme égoïque. Alors, tu t'identifies à ton corps, en plus de t'identifier à ta vie, en plus de t'identifier à tes émotions. Parce que si on laboure ton corps ou si on magane ton corps, ça touche ton la psychologie. Si tu es faible, fatigué ou si tu meurs, tu as peur de la mort, donc ça touche ta psychologie. Et si je te crée des bêtises, ça touche encore ta psychologie. Alors l'ego s'est tellement identifié à lui-même et au plan inférieur, donc il y a eu descente dans l'enfer, descente, c'est-à-dire que l'ego qui avait une forme vibratoire X, ben, a baissé sa vibration d'identification pour même s'identifier à la matière. Donc, il y a eu un rabaissement, réellement une descente aux enfers, en ce sens-là. Une chose absolument inutile et aberrée. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, du moment que tu donnes une parcelle d'intelligence à un homme comme ça, automatiquement, il s'en empare, puis il descend au niveau de la matière. Donc, les énergies ne font qu'être descendues par l'homme. Alors, donc, tu coupes le contact, tu ne peux pas expliquer à l'homme. Tu essaies d'expliquer, l'homme te met en divinité s'il ne comprend rien, ou bien non, il se prend pour la divinité s'il comprend tout, puis il essaie même de t'éliminer. Pour pouvoir, après ça, avoir la parole, puis toi. Hein? Alors, ce qui fait que ce phénomène-là a simplement empêché des entités supérieures de venir là. Après le passage du Nazaréen, le Nazaréen, quand il est passé ici, devait être la synthèse entre les forces luciferiennes et les forces yaviques. Mais pas parce qu'il se devait être, parce que ça se trouvait être un cheminement pour lui. Alors, lui passant ici, a donc augmenté le schéma astral de la planète. Il a donc augmenter le schéma astral dans le sens spirituel de la planète. Donc, il n'a pas pris, il a obligé l'homme à prendre des énergies qui ne pouvaient pas être rabaissées à la matière, donc à les laisser où ils étaient. Alors, les religions servaient à ça, mais le Nazaréen est venu donner vraiment une immense forme d'énergie à ça. C'était pas sa mission, je le redis souvent, mais c'était un des résultats, en tout cas, de son passage sur la planète Terre. Et aujourd'hui, on arrive à un plan d'évolution où ce que le mental généré par l'astral, arrive à un point où ce qu'il peut s'identifier, où bientôt il va se personnaliser. Donc, on va pouvoir rentrer en contact avec ce qu'on aurait dû rentrer en contact. Tu bâtis une planète Terre et tu la mets immédiatement en contact avec l'énergie galactique qui, elle, va diriger l'évolution de la planète. Donc, Dieu va pouvoir, le Dieu, disons, dans les cieux, va pouvoir diriger chaque être humain, chaque parcelle de matière ici, pour la rendre divine, donc pour augmenter son taux vibratoire à un point tel où il va peut-être pouvoir y avoir fusion entre ça, ou contact avec d'autres plans, comme le plan bouddhique ou le plan divin. Mais c'est pas arrivé, parce qu'il y a eu scindement, donc en rapport avec une énergie égoïque, qui a eu un début de mental, et qui a voulu la répandre, ce mental-là, le donner immédiatement à l'homme, mais c'était pas le temps. Et étant relié au temps dans l'espace, et ayant un astral qui crée un temps psychologique en plus du temps matériel qui lui aussi est illusoire, il y a donc la hâte. Et ayant la hâte, ben, il a fallu que l'homme fasse, ou qu'on l'oblige, qu'on manipule l'homme, à faire quelque chose de non correct au bon moment. Alors, ce qui fait que l'homme tel qu'on le connaît sur la planète Terre a donc été créé en ce sens qu'il est le résultat d'une manipulation ou d'une expression d'un individu ou d'une forme d'énergie qui allait à l'encontre avec les énergies qui avaient instauré la planète Terre et l'objectif même. Donc, l'homme a été créé par Lucifer. Mais ce n'était pas une nécessité que ce soit une force de l'ordre de la force de Lucifer qui vienne pour entrer dans la matière due aux vibrations basses. Non, c'était pas une nécessité, mais après quelques légers, disons, conflits, appelons ça comme ça, ben, on n'avait plus le choix, fallait que ça se fasse, donc ça a été permis. Alors, fallait que ça se finalise, ça a commencé, c'était trop tard. Alors, ça s'est finalisé, ça a créé la race humaine qu'on a là, puis depuis ce temps-là, ben, disons qu'on a certains déboires, puis on va finir par se sortir pareil. Mais l'expérience est ratée, ça va marcher pareil, mais c'est pas une bonne expérience. Si on va à l'extérieur du Père-Esprit divin, Dans l'intemporalité, là, il n'y a pas de temps. Non. Alors, le temps que ça prend ici sur la planète Terre, ça ne dérange pas. Oui, l'individu intemporel, ça ne le dérange pas. Mais celui qui est dans le continuum, limité par le périsprit des super-univers, lui, ça le dérange. Parce que lui est sujet à la souffrance, parce que lui est sujet au temps. Et lui est sujet à la limitation, parce que lui est sujet à la matière. Et c'est lui, c'est son problème à lui. Autrement dit, c'est le problème à nous autres. C'est ça. L'autre, il s'en fout. Bien de s'en foutre aussi, il n'y a rien à faire avec nous autres. Comment les 10 à 15 mètres qui ont besoin qu'il n'y ait plus de temps et d'espace pour se libérer du temps et de l'espace attendent-ils après nous pour s'en libérer? Puisque si nous arrivons à leur niveau, il y aura encore du temps et de l'espace. Suzy. Les 10 à 13 mètres. Simplement, comme tout à l'heure, j'expliquais, c'est que ces maîtres-là, ils sont obligés, on dit chargés, de forcer l'humanité à évoluer pour et faire monter le schéma vibratoire et le schéma de conscience de la race humaine pour l'amener au même niveau qu'eux autres. Et à partir de ce niveau-là, ces maîtres-là vont s'arranger pour que l'humanité ou la masse, rendue à leur niveau, fusionne les corps qui sont présentement évolués. Donc, automatiquement, on devient des milliers de mètres. Et ensemble, on peut former une forme d'énergie suffisamment puissante pour attirer dans l'univers des formes d'énergie supérieures. Donc, on forme une espèce de terre qui, par son attraction au niveau de l'amour, va pouvoir attirer des formes d'énergie bouddhique ou divine. Ce qui fait que ces maîtres-là, une fois que des millions d'humains vont avoir rejoint leur rang, vont être capables maintenant d'entrer en contact avec une énergie du fin fond de nos super-univers. Alors, ces maîtres-là n'attendent pas, ils provoquent des événements pour forcer l'humanité à rentrer dans l'âge d'or le plus rapidement possible, pas pour que l'humanité évolue par rapport à l'humanité, parce que ça, c'est de l'absurdité astrale, mais simplement parce que quand les hommes vont être rendus à leur plan, à ces maîtres-là, ben alors ces hommes-là vont pouvoir fusionner les plans, et donc on va pouvoir créer une espèce d'immense noyau qui va, disons, remplacer le schéma planétaire et qui va attirer des énergies de beaucoup plus supérieures à l'énergie supramentale qui est présentement attirée par l'énergie mentale. Mais le rôle réel de l'homme n'est pas... Le rôle des maîtres, c'est pas d'aider l'humanité. Et le rôle de l'homme, c'est pas d'aider les maîtres. Le rôle de l'homme, c'est, disons, le rôle, on dit rôle encore là parce qu'on n'a pas d'autre mot. Mais une chose qui est sûre, c'est que le cheminement de l'homme, cheminement qui est donc manipulatif parce que l'homme n'a pas le choix, hein? Tu retournes en arrière, tu t'en vas sur un élastique, tu regrettes pas en avant, tu n'as rien à faire, il va falloir que l'homme avance. Et l'homme, ce qu'il aurait à faire normalement pour pouvoir se libérer plus rapidement des phénomènes qui le retiennent, ben, c'est de réussir à personnaliser. Donc, personnalisation d'un corps, entrer en contact avec une autre forme d'énergie, croissance de cette énergie-là, identification de l'énergie par rapport à elle-même, par rapport à mon mental. C'est pas mon mental qu'il faut qu'il sache qu'il est en contact avec une énergie supramentale. Il faut que ce soit ma parcelle supramentale qui sache qu'elle est en contact avec mon énergie mentale. C'est ça, une identification. Mon mental sait que j'ai des émotions. Mon émotivité sait que j'ai un mental. Mais si mon émotivité sait que j'ai un mental, mais mon mental n'est pas capable de savoir qu'il est là lui-même, il n'arrivera pas à contrôler mon émotivité. Donc, mon émotivité, sachant qu'il y a un mental, elle est dans un état d'identification, de personnalisation, et elle a une connaissance en plus, donc une autre forme d'expérience, qui lui dit qu'il y a une personne intelligente en elle, intellectuante. Mais le mental, quand il s'identifie à lui-même, il sait qu'il est là. Il se personnalise. Donc, il réfléchit selon un processus qui est typique de lui. Un processus typique de lui, c'est un processus qui n'a pas été bâti par la manipulation de l'astral. Donc, le mental ne travaille pas selon ce que l'astral aura dicté, selon ce que l'astral aura construit. Et comme l'astral est planétaire, notre mental, présentement, travaille tout similairement pareil. Le mental de la race, par exemple, européenne, le mental de la race, évidemment, disons, africaine, c'est différent. Ils ont leur astral à eux autres. Mais tout le monde... Donc, ces races-là ont un mental similaire. Mais quand l'homme arrive à avoir un mental typique bâti par son propre mental, donc sa propre énergie mentale qui commence à s'auto-générer des programmes, donc qui commence à grossir, alors il n'est plus relié à la forme astrale. Donc, quand tu as ça, tu as une personnalisation mentale et tu as évidemment un contact supramental du moment que le mental commence à se développer. Mais l'identification de l'énergie supramentale va se faire quand le supramental va savoir qu'il est là. Sinon, présentement, il n'y a qu'un mental qui cherche à entrer en contact avec une énergie supramentale. Mais l'énergie supramentale, elle ne peut pas réfléchir dans l'homme. Donc, elle ne sait pas, elle, qu'elle est attirée par l'homme, cette énergie supramentale-là. Quand l'ajusteur de pensée rentre réellement en contact avec l'homme, il y a identification au niveau de l'énergie supramentale. Par après, il y a une personnalisation qui va se développer. Donc, l'énergie supramentale va devenir typique de l'individu. Toujours en relation avec le reste, mais il y a une personnalisation au niveau de l'individu. Par après, si tu deviens, tu fusionnes ces corps-là, tu deviens un maître. Mais tu restes stagnant. Pourquoi? Parce qu'étant fusionné, tout le schéma de ton énergie qui circulait en toi relié à un phénomène planétaire va t'empêcher. Je n'expliquerai pas trop ça pour l'instant, si on va revenir plus tard, c'est très, très, très, très haut. Mais l'énergie même d'un corps fusionné ne peut pas permettre la même attraction vibratoire qu'un schéma d'énergie non fusionnée. Pourquoi? Parce que le schéma d'énergie non fusionnée, donc les énergies physiques, etc., jusqu'à l'énergie supramentale, on sort en relation continuelle avec chaque plan particulier de la planète, ce qui fait que l'énergie qui est fusionnée est une énergie différente du plan planétaire, mais en relation intime avec le temps. Donc, elle reste reliée au schéma planétaire en termes d'évolution, mais elle n'a pas le même pouvoir d'attraction sur les énergies supérieures parce que son état étant différent, il est limité à la quantité de mètres qu'on connaît. Si toi, par contre, tu augmentes tes schémas vibratoires sans les fusionner, c'est-à-dire que tu restes personnalisé au niveau de tes corps, tu arrives au contrôle de tes corps, tu rentres en contact avec d'autres énergies sans vouloir créer l'agglomération, donc sans vouloir quitter le corps planétaire, le corps physique aussi. Ce qui va arriver, c'est que ton corps vital, ton corps physique, ton corps astral, mental et supramental sont en relation avec la totalité de l'astralité planétaire, de la vitalité planétaire, de la matière planétaire, du mental planétaire, du supramental planétaire. Mais toi, à l'intérieur de tout ça, tu es personnalisé. Donc, tu as un schéma d'attraction immensément plus vaste que la personnalité fusionnée qui, elle, n'a plus la même forme de vibration que la planète Terre, mais très similaire, donc elle ne peut pas y échapper. Mais elle ne peut pas attirer le même genre d'énergie parce qu'elle n'a pas la même forme d'attraction. Donc, elle va attirer à elle, non pas une énergie divine, qui, elle, ne peut être attirée que par de l'énergie bouddhique, qui, elle, ne peut être attirée que par l'énergie supramentale, qui, elle, ne peut être attirée que par l'énergie mentale, mais ayant fusionné tes corps, tu n'es plus mental, ni supramental, ni vital, ni astral, ni physique. Tu ne peux donc pas attirer l'énergie bouddhique. Tu n'es pas suffisamment puissant pour le faire. Donc, en agglomérant 1 million de mètres autour de toi, tu crées un noyau, donc un soleil, qui va être suffisamment puissant pour attirer ces énergies-là. Mais l'être humain qui ne fusionne pas a donc la totalité des plans inférieurs, donc des plans planétaires, et le mental planétaire que lui peut connaître, donc entrer en relation avec, va attirer l'énergie supramentale, qui va pouvoir attirer l'énergie bouddhique, que pour attirer l'énergie divine, ce que le Nazaréen a fait, et là, il y a fusion des 7 centres, disons, des sept focalisations d'énergie. Chez le Père, disons, comme le Nazaréen le connaissait. Daniel, suite à ce que tu viens de dire, je pensais justement à un tas de choses que, disons, qui ont fait partie de mon évolution et de mon cheminement. Et puis, j'en suis venu à la conclusion suivante. Tout dans la vie, à quelque plan que ce soit, est dépendant du taux vibratoire et la loi d'attraction. L'amour. Tout. L'amour aux lois d'attraction, c'est, disons, la loi d'attraction est plus spécifique pour ce que mais je veux seulement dire. Seulement dans le continuum de temps. Oui. La loi d'attraction ne peut pas avoir aucun effet s'il n'y a pas de temps. Non, à ce moment-là, s'il n'y a pas de temps, c'est probablement de la contemplation, j'imagine. Même pas. Quelque chose du genre. Parce que l'attraction veut dire qu'il y a attirance. Attirance veut dire qu'il y a chose qui vient. Chose qui vient veut dire que déplacement. Déplacement, c'est dans l'espace et ça prend du temps. Alors, dans un continuum ou dans un endroit intemporel, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, l'espace n'a pas le temps d'exister. Donc, dans un endroit sans temps et sans espace, il n'y a pas d'attraction non plus. Les lois hyper divines qu'on emploie souvent ne sont des lois divines, mais qui sont reliées, évidemment, qui sont à l'intérieur, disons, de notre âme, de ce super-univers, donc qui ne sont reliés qu'au temps. Ça va de soi. Est-ce qu'on peut subconsciemment s'infliger une réaction physique douloureuse suite à un bonheur intense qui, lui, est pour une première fois accepté et autorisé? Est-ce que c'est pour balancer à ce moment-là, tel qu'Aurobindo le faisait, Marcel Pouget, ces gens-là? Pour balancer? Quand c'est subconscient, ça peut être pour balancer, mais c'est plus souvent qu'autrement. Ça peut être surtout un phénomène de culpabilisation, donc un phénomène de réajustement, c'est un balancement, mais qui va être causé par une culpabilisation interne. Donc l'individu ne mérite pas ou inconsciemment ne croit pas mériter tel genre de bonheur absolument extraordinaire, ce qui fait qu'il peut donc automatiquement, par réaction inconsciente, s'infliger des phénomènes de souffrance. Mais ça peut effectivement être un phénomène de balancement créé par l'ego, dans ce sens que l'individu augmente tellement son schéma vibratoire qu'automatiquement un conflit, une lutte intérieure pour empêcher cette élévation vibratoire-là. Donc, il y a souffrance, douleur, d'un phénomène, en tout cas, pour pouvoir, disons, alléger le phénomène de montée vibratoire, de bonheur. Hein? Et ça peut être un autre phénomène énergétique, en ce sens que si ce bonheur-là est causé par une énergie supérieure et non pas par un contexte, disons, dans les plans planétaires, ben, automatiquement, en plus de la lutte, il peut aussi y avoir une transformation physique. Donc, l'ego va vibrer plus haut, donc il se sent heureux. On parle pour une forme, disons, de bonheur extraplanétaire, là, un bonheur extraterrestre. Et automatiquement, pour réajuster, bien, donc, c'est-à-dire qu'il y a une métamorphose, il y a une mutation qui va opérer, et ça peut créer des douleurs. Disons que c'est les trois formes de douleurs qui peuvent être générées dans trois cas totalement différents de bonheur intense. Maintenant, lorsque aux Indes, avant Aurobindo, et du temps de Aurobindo, qu'on a découvert cette énergie, cette supraconscience, le supramental, qui prenait énormément de temps à se préparer pour arriver à recevoir cette énergie. Ce que l'on faisait, c'est que ce qu'on connaissait comme moyen pour arriver à ça à ce moment-là était de balancer justement. Il y avait quelque chose de bien qui passait, tu allais chercher du mal pour le balancer. Et c'est comme ça que ces gens-là ont atteint, se sont préparés pour recevoir l'énergie supramentale, soit sur une base régulière ou dépendamment de chacun. Là. Mais c'était excessivement long. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui, disons, dans la région de Montréal, ici, enseignent, selon moi, quelque chose qui est de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus effectif que cela. Il y a toi qui es un de ceux-là qui dit qu'il faut observer. La personne qui va observer son bonheur, Daniel, est-ce que dans les trois exemples que tu as donnés tantôt... Il est plus bonheur automatiquement. Oui. Alors là, au lieu d'avoir ça et ça et ça, elle s'en va sur une ligne droite. Là. Exactement. Alors là, il n'y aura pas besoin de négatif puis de se faire mal pour compenser pour le bonheur. Il la va y avoir bien-être. La vibration va rester, mais sans l'expressivité que l'ego peut en faire. Donc, il n'y aura pas de bonheur. Mais tu ne perds pas ton taux vibratoire. Il y a un bien-être au lieu de bonheur. Oui, il y a un bien-être qui est observé, donc que tu ne prends même pas conscience. C'est ça. Alors, c'est de beaucoup plus rapide que ces gens-là utilisaient. Maintenant, l'autre personne qui enseigne qu'il faut canaliser les énergies et les regarder simplement, et puis se foutre de tout ce qui se passe, ça fait exactement la même chose aussi. Alors, disons que c'est à peu près le même... Mais oui. Alors, c'est pour ça que c'est très important de s'observer tel que tu l'enseignes. Quand tu vis une émotion, colère par exemple, si tu t'observes que tu en ris, Qui en rit? Ben là, je sais pas, là, moi j'ai de la misère à lire. Là. Je vais recommencer. Qui trouve ça drôle? Là, ça... Bon, OK. C'est très bien écrit, c'est parce que j'étais encore de la misère à lire, là, dans une autre énergie. Quand tu vis une émotion, colère par exemple, si tu t'observes que tu en ris, qui trouve ça drôle, l'astral ou le mental? Quand le physique est touché par une forme de manipulation, le physique est accidenté, le physique est blessé ou n'importe quel genre de choses comme ça, celui qui va observer le phénomène va être énergie vitale surtout. Quand l'énergie vitale est fatiguée, donc quand l'énergie vitale est maganée ou que le physique est magané, que l'individu a un corps astral, l'astralité peut remarquer ça. Et quand tu as une émotion de colère, que tu t'observes et que tu en ris, bien, c'est évident que celui qui va en rire ne sera pas le mental. Par contre, le mental peut observer, le mental va donc analyser, et le mental analysant, l'astral lui fait confiance. Il y a plusieurs parcelles dans l'astral, hein, et c'est pour ça qu'on a plusieurs, il faut qu'on fusionne notre astral pour commencer. Alors, il y a une parcelle de l'astral qui fait confiance aux facultés intellectuelles du mental, va donc attendre le résultat. C'est-à-dire que moi, je dis que mon gâteau, il est réussi. Ou que mon gâteau est manqué. Mais je ne suis pas trop sûr, ou mon ego veut être bien convaincu que je peux continuer à broyer plus fort parce qu'il est manqué. Je broye parce que mon gâteau il est manqué. Là, tu rentres dans la maison, fait que là, je peux broyer plus. Tu peux-tu aller voir, regarde mon gâteau, il est manqué. Là, tu vas voir, tu reviens, ah, il est manqué. Ah, là, tu peux broyer au coton. Mais le mental, c'est comme toi. Là, tu regardes, non, il est merveilleux, puis je viens d'y goûter, puis il est super bon. Là, tu es fait. C'est qui est fait? C'est l'astral. Mais l'astral qui a une colère, qui s'observe, va, vu que le mental peut rentrer en fonction, c'est pas l'astral qui va le placer en fonction, mais à un moment donné, le mental finit par pouvoir se mettre en fonction d'observation. Vu qu'il est en fonction, l'astral va donc attendre, tu restes en colère, mais l'astral va attendre que le mental vienne confirmer son état de colère et les raisons. Et le mental analysant, puis trouvant qu'il n'y a rien là, parce que le mental, il ne peut pas arriver à donner une raison pourquoi tu es en colère. Sauf si c'est l'astral qui se prend pour le mental. J'ai raison d'être en colère, il m'a écrit une bêtise. C'est pas le mental, cela. Ça se met en plus, c'est un jugement, c'est réellement pas mental. Alors, ce qui va arriver, c'est que le mental donnait une réponse. Ton gâteau, il est bon. C'était mieux, je veux dire, non, il n'y a absolument rien. Mais l'astralité qui fait extrêmement confiance, parce que notre astral fait énormément confiance à notre mental. Hein, parce que tout ce qu'on gère aujourd'hui, c'est mental. C'est pour faire plaisir à l'astral. Mais l'astral, il laisse le mental travailler comme il veut. Il essaie de le manipuler, mais il fait confiance. Alors, ce qui va arriver simplement, c'est qu'une fois que le mental a donné son verdict, bien là, l'astral, bien, il fait qu'on faisant confiance, il va demander au mental. Puis après 4-5 fois comme ça, bien, il n'y a rien. Puis il n'y a même plus rien qui peut passer parce que l'astral est en train de l'astral a besoin d'un support pour s'exprimer. Et le support, normalement, le mental va le confirmer. À mon char, il n'est plus là. Je me le suis fait voler. Bon, ça ressemble à quelque chose de mental. C'est mental. C'est évident que ton char, il n'est plus là. Tu le vois bien, assez de t'asseoir dedans, de savoir qu'il n'est plus là, ton char. Ça peut être mental, ça va être physique. Bon. Mais ce qui va arriver, c'est que ton astral va se servir de cette base mentale-là comme support pour s'exprimer. Là, tu pars à broyer. Faut que j'aille chercher mes assurances. C'est mental, ça. Mais tu le dis en broyant parce que l'astral en profite en même temps. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est mental. Mais l'astral en profite comme support pour s'exprimer. Mais quand le mental dit qu'il n'y a plus rien, tu veux t'exprimer sur un phénomène, ton char, il est là. Ah, mais là, tu fais voler, il est là. Ben, toi, le mental te dit que ton char, il est là, puis toi, l'astral veut broyer qu'il n'est plus là. Fait que si tu te fies à ton mental, ben, l'astral ne peut plus broyer, le char, il est là. Parce que tu pensais qu'il l'avait stationné là. Fait que, automatiquement, ce que le mental observe, c'est qui rit? Ben, c'est l'astral qui rit de lui-même. C'est pour ça que c'est drôle en tabarnouche. Le mental, il rit pas, le mental. Il s'en fout, le mental. L'astral vient colorer le mental émotivement. Oui, mais si le mental vient s'observer, l'astral le colore pas, l'astral le laisse faire pour espérer avoir une accréditation sur la forme, disons, la colère. Là, le mental y amène de quoi? Que la colère ne peut pas affûter dessus pantoute. Fait que donc, elle continue à s'exprimer, mais vu que tu t'observes, tu veux t'observer, donc c'est pas en une seconde. Tu le fais tout le temps, pendant disons moins une minute, disons, mais comme c'est des millièmes de seconde, tu te réobserves encore, l'astral va encore vérifier pour voir se confirmer, il n'y a rien. Tu observes toujours, l'astral vient voir, il n'y a rien. Et plus que ça va aller, bien, moins l'astral va pouvoir s'exprimer parce qu'il ne trouve plus de. Le support, la texture n'est plus là. Jusqu'à un moment donné où ce que tu as en mémoire tout ce que tu as fait pour rien. Tu vois l'absurdité parce que tu finis par prendre la réponse du mental, puis le mental, ben, il additionne, puis il n'y a rien. Alors donc, tu vois tout le phénomène pour rien, mais comme l'astral doit s'exprimer pour survivre, ben, tu vas partir à rire, donc tu vas transformer l'énergie négative en énergie positive au niveau de l'astral. C'est-à-dire qu'au lieu de l'exprimer d'une façon destructive, tu l'exprimes d'une façon positive. Alors, à ce moment-là, l'astral rit parce que c'est un rire d'admiration envers le mental. Oui, plus souvent qu'autrement. Une forme de... Puis tu peux rire nerveusement aussi. Mais en même temps, c'est ça, t'admires. L'astral, c'est rien que lui qui peut rire. Tu dis que la vie apporte tout à l'homme. Serait-il utile de préciser qu'il n'y a pas de cadeau de fait par la vie et que éventuellement l'homme devra arracher son bien-être à celle-ci? Richard. Bon. Alors, premièrement, la vie apporte tout à l'homme et l'homme, serait-il utile de préciser qu'il n'y a pas de cadeau de fait par la vie? Ça veut dire que c'est faux. Il y a plein de cadeaux faits par la vie, mais l'homme fait un choix. J'ai déjà expliqué souvent que l'ego faisant un choix, quand il veut de l'eau puis qu'il y a du vin, ça ne marche pas. Quand il veut du vin puis qu'il y a de l'eau, ça ne marche pas. Celui qui doit arracher à la vie son cadeau, c'est évidemment la parcelle égoïque de l'homme, pas la parcelle mentale. La parcelle égoïque qui, elle, désire, qui désire plus souvent qu'autrement ce qu'il n'y a pas. Donc, le cadeau, ben, elle ne le voit pas. Alors, l'homme devra arracher son bien-être à celle-ci. C'est faux parce que c'est l'ego qui va fonctionner. Mais c'est aussi l'ego qui va amener l'homme dans des trous, qui va amener l'homme à vivre dans un taudis, qui va amener l'homme à perdre son travail ou à faire un travail qu'il n'aime pas. Donc, l'ego doit, en ce sens, réellement, arracher son bien-être. Mais il sera presque toujours malheureux parce que lui est en transformation, parce que la vie est en transformation et que le bien-être de l'ego... C'est toujours un bien-être temporel. Donc, un bien-être qu'il n'a pas, donc qu'il recherche à l'extérieur. Et si, dans le domaine du temps, ce qui est créé dans le domaine du temps par des énergies du temps a toujours une fin. Donc, automatiquement, notre ego, même si tu le retires, il faut que tu le retires continuellement. Si, par contre, c'est l'énergie mentale qui trouve une raison logique à un phénomène, bien, tu n'auras pas à l'arracher parce que sans effort, sans rien... tu vas automatiquement finir par réembarquer dans le cheminement de ta propre vie, le vrai cheminement, et tu auras tout ce que tu auras de besoin. Mais tant que ça n'est pas compris, il ne faut pas oublier non plus que si tu es à 2000 du chemin de ta vie, ben ça peut peut-être te prendre un an avant que ton mental te ramène dans le chemin de ta vie. Mais si après 2 jours, après 1 mois ou après 2 mois, ton ego est déçu parce que ça ne marche pas, c'est l'ego qui est déçu, pas le mental, ben automatiquement, tu vas vouloir lancer des fils avec des gros hameçons au bout pour essayer d'arracher les cadeaux. Bon, mais ça, c'est un phénomène qui est égoïque, c'est pas un phénomène mental. La vie donne tout à l'homme, mais l'homme qui a un cœur intelligent, pas l'homme qui a juste un cœur. Mais tout dépend, Daniel, à qui on dit cette phrase-là. C'est ça que je te dis. Parce que qui est juste psychologique, si ou juste le public a besoin d'entendre dire qu'il faut qu'il passe par la souffrance pour réellement finir par entrevoir qu'à un moment donné, il n'y en aurait plus de souffrance, que tout est là, ben, ça le fait travailler. C'est juste ça que ça va faire. C'est un cheminement qui est plus long. C'est ça. On a besoin d'arracher. Ben oui, tu as besoin d'arracher. Moi, je ne l'arrache pas, je le prends à place parce que c'est là. Mais toi, tu as besoin de l'arracher. Tu vas finir par comprendre qu'il va falloir que tu arrêtes de le faire. Ouais. Mais si tu l'arrêtes de le faire sans comprendre, ben tu te ramasses dans un taudis. Faut que tu comprennes. Faut pas que tu imites. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ego va se dire, bon, moi avec, mais arrêtez de l'arracher. Lui, il ne l'arrache pas, puis il a tout, mais on fait comme lui. C'est l'ego qui fait ça. Il n'y a aucun mental là-dedans. Tu ne comprendras rien, tu n'auras rien non plus. Non. Donc, tu continues de l'arracher. Mais quand tu arrives à avoir un mental qui peut comprendre, qui peut raisonner les phénomènes, bien là, à un moment donné, tu vas être capable de t'en aller dans le chemin. Mais là, il va falloir que tu fasses taire ton ego. Parce que si l'ego veut continuer à arracher pendant que le mental essaie de dire que, bien là, ça ne marche plus, ça. Parce qu'il y a plusieurs initiés qui ont enseigné ce qui est dit là, mais oui. C'était pour emmener l'homme justement à s'apercevoir que le grand maître n'avait pas raison. Ben oui. Mais venant de l'intérieur, ils l'ont vécu pendant 1 an, 10 ans. Puis ça, c'est des qui ont enseigné, effectivement. C'est dans le passé, ça, là. Vous avez parlé de 2 sortes de souffrances. Premièrement, le physique. Deuxièmement, psychologique, émotive. Il existe aussi une souffrance dans le mental. Il peut y avoir une connexion psychologique à ce niveau, mais éventuellement, l'être humain parvient à dépasser ce stade et le mental ne peut plus être affecté par la souffrance psychologique. Peut plus aisément l'observer. Par contre, qu'en est-il de la crise de l'esprit qui fait en sorte que le mental se révolte contre les forces cosmiques même? Richard. Bon. La souffrance mentale, c'est simplement un empêchement, donc une limitation perçue par un mental en phase d'identification. Donc, le mental étant en phase d'identification, il découvre donc les limites imposées par l'émotivité astrale qui lui est personnelle et par l'astralité planétaire. Alors, automatiquement, il va y avoir un type de souffrance. Mais une souffrance qui est simplement pas logée au niveau du mental, mais logée dans la jonction entre le mental et l'astral. Ce qui fait que le mental, voyant la délimitation, va donc s'efforcer d'éliminer ça pour pouvoir s'exprimer à sa pleine capacité. Et ça, il va être aidé et même il va être forcé par l'énergie au niveau de l'ajusteur de pensée. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, la souffrance mentale qui va exister là, elle va exister seulement tant qu'il va y avoir lutte entre l'astral, qui est mémoire pure et qui refuse la transformation du mental, et le mental, qui, lui, est pogné par l'énergie de l'ajusteur de pensée, qui le force à se transformer pour éliminer les barrières qui ont été placées là par la psychologie de l'homme. Et tant qu'il y a ce phénomène-là, donc tant qu'il y a identification, tant qu'il n'y aura pas terminaison de la personnalisation, il risque et il y aura souffrance au niveau du mental. Quand l'identification est complétée, la souffrance astrale, donc les souffrances inférieures au plan mental, ne peuvent plus venir teinter, donc ne peuvent plus venir embarrasser le plan mental avec justement cette souffrance-là. Ce qui fait que quand l'identification mentale est terminée, quand le mental peut dire totalement, peut voir totalement l'étendue de son pouvoir, disons, ben automatiquement, tout ce qui est inférieur à lui ne peut plus venir teinter le mental. Donc, il y a, disons, disconnexion entre les liens affectifs mentalo-astral. Par contre, il va toujours y avoir relation entre le mental et l'astral, mais il va y avoir certains filtres qui vont venir, justement, qui sont bâtis par l'ajusteur de pensée et qui vont permettre au mental de puiser dans la mémoire, il n'y a pas le choix, mais de ressortir ce qu'il veut. Ce qui fait que le reste va être filtré par ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Alors, le mental va avoir accès à la pensée juste. Pensée juste veut dire pensée non teintée, c'est-à-dire non sous l'emprise de l'astral. Et l'individu même qui va finir par pouvoir éliminer les douleurs ou les souffrances au niveau de son mental, les souffrances inférieures, mais lui-même, rendu là, n'aura que quelques souffrances mentales qui seront évidemment d'un ordre absolument différent de ce qu'on connaît présentement et qui seront liées simplement à la transformation au niveau du cheminement du mental. C'est-à-dire que le mental, ayant appris, parce qu'il est issu de l'astral, à travailler avec l'astral, devra maintenant, une fois identifié, apprendre à oublier, donc à déformer des mémoires mentales, à oublier les traces, donc les programmes, laissés par l'astral dans sa matière, et il devra réapprendre à travailler avec une énergie supérieure à l'énergie supramentale. Donc, dans cette transformation-là, donc dans cette destruction de mémoire, donc de programme mental, il y aura encore souffrance jusqu'à la terminaison de la personnalisation du mental, où ce que là, il n'aura plus souffrance. Maintenant, Daniel, au fur et à mesure justement que l'individu passe par ces différentes phases, j'ai l'impression, et je suis porté à penser, que l'individu développe sa sensibilité de plus en plus. Alors, sa sensibilité étant développée de plus en plus, il peut percevoir plus, disons, le bien-être ou la souffrance, par exemple. Oui. Mais le percevoir, c'est pas nécessairement l'observer. Parce que l'observation va se faire si le mental perçoit, et la perception par l'astral ne va faire qu'enclencher le processus d'amplification des problèmes. Mais si c'est le mental qui observe, donc qui perçoit, alors automatiquement on a l'observation. Et si ça c'est maintenu ou soutenu par le phénomène de l'attention, donc il n'y a plus aucun problème, l'individu va pouvoir laisser couler ces énergies-là, et le mental va pouvoir suivre un chemin, disons, qui est presque exempt de souffrance, ou c'est une souffrance qui n'est pas souffrante. Et la crise de l'esprit même, bien évidemment, c'est la crise du mental qui se révolte contre le reste des énergies. Pourquoi? Parce que dans la phase de personnalisation mentale, tu as la lutte entre l'énergie supramentale, donc disons les énergies cosmiques, comme la question le dit, qui essaie de manipuler le phénomène mental, qui est le phénomène mental qui va devenir le maître dans l'homme. Donc, maître, tu te fais manipuler, quand c'est pas d'en bas, c'est d'en haut. Alors, donc, il essaie de manipuler le phénomène mental pour l'obliger à se transformer selon ce que le supramental veut, et lutte entre l'énergie astrale, donc l'astral veut empêcher le mental de se transformer. La crise du mental face aux énergies cosmiques, c'est simplement quand le mental est encore trop lié aux mémoires de l'astral, donc quand le mental ne veut pas détruire ses mémoires, ses programmations mentales bâties par l'astral, et le mental veut rester un être humain ordinaire, par exemple, où le mental aimerait ne plus souffrir, le mental aimerait comprendre juste certaines choses qu'il ne peut pas comprendre, après ça qu'on lui fiche la paix. Ficher la paix, c'est qu'on veut que l'énergie supramentale cesse de le manipuler pour le transformer. Il veut rester comme qui est, c'est-à-dire qu'il veut rester assujetti à l'astral, tout en pouvant manipuler l'astral. Parce que le mental, un jour, arrive à la fin de l'identification à devenir le maître de l'astral, donc des corps inférieurs, mais il découvre en même temps qu'il est manipulé par l'énergie supramentale et légèrement, pendant un certain laps de temps, cette crise-là peut être engendrée par l'ego qui a tendance à se former au niveau du mental, ce qui est déjà arrivé au niveau de notre début qu'on parlait tout à l'heure, au niveau des problèmes quand l'homme est arrivé sur la planète Terre. Et l'ego qui va se former au niveau du mental, la mémoire mentale de programmation, qui découvre qu'elle est maître, va vouloir rester le maître. Mais elle n'aura pas le temps parce que l'énergie supramentale étant de beaucoup plus forte que les énergies inférieures qui n'ont pas pu empêcher l'éclatement de l'ego sur la planète Terre, va donc empêcher l'ego mental de gagner. Alors, ce qui fait que tu as donc une crise à un moment donné, le mental est en colère, le mental fait une crise. Soit pour que les liaisons astrales le laissent en paix, soit que pour que les liaisons divines ou supramentales ou cosmiques le laissent en paix. Alors donc ça, c'est la crise, justement, la crise de l'esprit par rapport aux énergies cosmiques, où il est carrément tanné, il ne veut plus rien savoir. C'est pour ça qu'il est très important que l'être devienne son propre maître. C'est le but, d'ailleurs, de l'évolution. Disons que c'est le prochain cheminement de l'homme. l'homme va devenir une personnalité à part. Et comme seul un individu, seul à part, peut arriver à connaître. Hein? On dit souvent que tu crois en masse, mais que tu connais seul. Mais c'est normal, parce que pour arriver à exprimer une forme d'énergie supérieure sous forme de connaissance au niveau de ton mental, ben, automatiquement, tu dois le personnaliser. Et le personnalisant, tu le connais. Mais le personnaliser, ça veut dire le dégager de la masse. Ça veut dire qu'il devient une entité propre à lui-même. Donc, automatiquement, la connaissance vient en personnalisant et l'individu va être de plus en plus seul, puis c'est normal, c'est-à-dire qu'il peut se tenir en masse, mais il va être seul dans son propre cheminement parce qu'il doit personnaliser le phénomène. Lorsqu'il y a savoir, c'est individuel. Automatiquement, parce qu'il y a savoir personnalisé dans un individu qui a une personnalité astrale, ce qui est quasiment tout le cas pour tout le monde, et qui a une personnalité mentale, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ça, puis si on le regarde sur l'autre côté, quand on dit que nous sommes matière et qu'il y a lumière et que la lumière descend dans la matière, ça ne descend pas en masse, ça peut descendre en masse, mais c'est perçu individuellement et ce n'est pas un individu. Quand l'énergie extraterrestre, l'énergie supramentale, va recouvrir la Terre comme le mental la recouvre et comme l'astral la recouvre, tu auras un savoir de masse. Mais présentement, tu ne peux que croire en masse parce que seule l'énergie astrale, entre autres, une parcelle, l'énergie mentale ne recouvre pas encore la planète dans son intégralité, mais l'énergie astrale, oui. Donc, la masse peut être en contact avec l'énergie astrale, ce qui fait qu'elle est reliée à l'astral. Mais la connaissance mentale ou supramentale, qui ne recouvre pas encore le mental, pas tout à fait, il recouvre surtout les parties nord de la planète Terre, et le supramental, très peu. Alors, quand on va avoir un mental qui va envelopper et un supramental qui va envelopper, la masse va être rendue à l'état de conscientisation totale au niveau supramental. Présentement, la masse n'est que conscientisée au niveau de l'astral parce qu'il n'y a que l'astral qui enveloppe la Terre au complet, disons, dans le plus haut cheminement vibratoire. Le mental, presque, et le supramental, très peu. Alors, c'est pour ça. Alors, sur ce, Daniel, on termine la deuxième partie de cette conférence. Nous prenons une pause de 15-20 minutes et puis on vous revient pour la troisième partie.